Montreux, Majorque. Nice, Vanessa. L'orage rajeunit les fleurs. Charles Baudelaire. Originaires de Montreux, en Suisse, elles étaient parties pour Majorque à l'aube de leurs 40 ans. Anciennes camarades de classe, pas très proches, toutes deux étaient devenues amies à cause d'une histoire d'amour avec deux frères. Alma avait vécu un amour de jeunesse avec le plus jeune, alors que Mia avait traversé quelques années plus tard une passion avec le frère aîné. Cette fratrie d'ex les avait rapprochées. Leur amitié était née comme on naît dans une famille par hasard, mais perdurée par évidence, basée sur leur goût des jolies choses, l'échange des comptes rendus, de réflexions, d'aphorismes sur les hommes. Ces rendez-vous étaient toujours pris dans la même urgence avec laquelle Reese Witherspoon arrive chez sa manucure dans Legally Blonde. « Il faut absolument qu'on se voit pour un update, là. Non, mais il faut que je te raconte. Matthew, ou Marc, ou Marcel, ou Manolo, c'est tout un poème. Cocktail spritz au Funky Clods, ce soir ?» disait l'une ou l'autre. L'ADN commun à leur amitié était oublié depuis longtemps. Mais pas leur sensation de former une sororité face aux contingences de l'existence, c'est-à-dire essentiellement aux allées et venues des hommes. Leur réaction différait, mais une chose était sûre, c'est qu'elles ne s'étaient pas senties appelées par ce qu'on entend généralement par la vie de famille. Sans mari et sans enfant, mais avec des amis et des amants, elles s'étaient conservées dans leur jeunesse. L'une fine et distinguée comme Inès de la Fressange, l'autre tout en courbe, ferme, avec Gillo pour modèle. Leur corps était en fleurs. Elle pourrait le maintenir encore un peu à renfort de maquillage, sport et botox, juste avant sa dégénérescence programmée. Elle s'était offert une escapade au soleil en plein mois d'octobre, au milieu du semestre sabbatique de Mia, provisoirement sans attache et sans responsabilité. On ne peut pas débarquer à Majorque en tant que femme indépendante sans savoir que George Sand y séjourna un hiver avec un Chopin malade et que, si elle fut sensible à la nature de l'île, baignée par le vent, elle n'aima ni la nourriture ni les gens, qui se sentirent d'ailleurs outragés par son récit « Un hiver à Majorque ». Avant de quitter Montreux, Alma avait également lu « Vénus Erotica ». Elle n'avait pu s'empêcher d'être frappée par le hasard objectif qui avait voulu qu'Anaïs Nin mentionne une arrivée en train à Montreux quelques pages après la nouvelle « Majorque », dans laquelle elle décrit avec une sensualité langoureuse un été passé à faire l'amour bercé par le doux remous des vagues. Sa figure féminine, la jeune Majorquine Maria, y est prise tous les après-midi dans l'eau cristalline par la dure biroute d'un Américain décidé, sous l'œil plongeant et admiratif d'un narrateur voyeur. Cette évocation de sexe libéré et chaleureux s'opposait fortement à la sévère Chartreuse où George Sand et Chopin faisaient chambre séparée pendant un interminable hiver gris. La littérature offre tout et son contraire, la réalité aussi. Arrivée très tôt le matin sur l'île, elle devait s'organiser un programme. Le premier jour, elles visitèrent Palma. Si un 25 octobre, la déambulation de touristes bof, l'alignement de bazars de mauvais goût, l'étalage de la misère des faux fakirs et des faux Vuitton étaient quelque peu gênants, elles imaginaient ce que devait être ce lieu par 35 degrés. L'enfer. Plaza Mayor, devant leur sangria et la friture dégoulinante de leur tapas affichée sur la carte en quatre langues, elles observèrent un couple d'Allemands obèses, fumant devant leur fils et leur bière en attendant leur plâtrée. Le shopping le long du Passeig del Born, avec ses boutiques de luxe mêlées aux obligatoires Zara et H&M, la visite express du mastodonte cathédrale, un passage par les bannisses arabes, bains morts, datant du Xe siècle, occupèrent leur après-midi. Cette dernière expérience se limita à quelques photos ratées dans le jardin tropical, une attaque intempestive de moustiques les ayant fait paniquer. Le deuxième jour, elles décidèrent de rester dans le confort de leur hôtel, de réserver un spa treatment, mais aucune esthéticienne n'était disponible. Une promenade le long de la route bétonnée de cages à lapins aux stores fermés acheva de les déprimer. Les impressions mélancoliques et leur nouvelle promiscuité commençaient à leur porter sur les nerfs. Elles ressentaient toutes les deux le besoin de s'évader de l'évasion programmée. Le lendemain, fortes d'une nouvelle énergie, elles louèrent une petite voiture et partirent à l'aventure. Elles roulèrent tour à tour, s'emmenant l'une l'autre sur les hauteurs azurées et vallonnées de vignes et d'oliviers, à travers des villages pittoresques dont le point de vue le plus spectaculaire se mérite en montant au cimetière. La mer, le soleil, la mort, le silence. Elles goûtèrent enfin à la respectable sérénité du petit jardin odorant devant et du labyrinthe de Thuya, derrière la fameuse chartreuse de Valdemossa. Ils avaient quand même eu de quoi s'amuser un peu, Aurore et Frédéric. Entre les pluies et les préludes, ils devaient bien jouer à s'y perdre, se retrouver, se chatouiller dans le dédale vert avec statues antiques et fontaines de jouvence. Elles goûtèrent au bain de mer tardif et frais sur des plages semi-désertées, au soleil sur leur peau, à se photographier mutuellement en bikini, voyeuses et modèles l'une de l'autre. Elles goûtèrent un bellini sur la terrasse ombragée de la Residencia à Deia, humant les traces laissées par des femmes à inspiration multiple en leur temps. Anaïs Nin, Yoko Ono, Lady Di, Gwyneth Paltrow. Il leur fallait au moins ça comme plaisir sensoriel. Poursuivre les odeurs et les goûts entre elles ne leur serait pas venu à l'esprit. Elles étaient trop bien éduquées, hétéronormées, vraies femmes féminines, cisgenres et tout. Mais ce soir-là, autour d'un coupe-gorge du centre de Palma, tournant distraitement la tête à gauche, Mia s'arrêta stupéfaite. « J'y crois pas, ce tableau c'est un Thomas Fallon !» À travers des fenêtres tendues de filets de pêche, en contrebas de la ruelle, Alma distinguait, contre un mur blanc cassé au fond du restaurant, un tableau aux couleurs vives représentant des formes florales en mouvement. Elle avait faim et n'avait pas envie d'analyser plus en détail la ressemblance avec les œuvres de ce peintre dont elle avait fait la connaissance aux multiples events à la galerie d'art contemporain du Montreux Palace, le 5 étoiles de leur ville, qui avait été, entre autres, le refuge de l'auteur de Lolita. C'était des occasions renouvelées d'étrenner des robes courtes et des talons hauts, d'admirer distraitement quelques œuvres hype dont le choix esthétique reflétait un savant mélange de joli et de laid, de décoratif et de trash, et de boire une coupe de champagne entourée d'artistes peintres, écrivains, musiciens, de mécènes puissants et de quelques picassiettes. Elles étaient suffisamment décoratives dans leur tenue de créateur, leur culture et leur manière suffisamment polissée pour être systématiquement invitée par le maître des lieux au sourire séducteur et paternel. On y ressentait les influences de Warhol, de Koons, de Basquiat, de Damien Hirst. Certaines œuvres de la galerie ornaient déjà des restaurants branchés, des villas design, des collections particulières. L'un de ces artistes avait vendu une œuvre monumentale à Paris Hilton, ce qui faisait sa réputation, et notablement augmenté sa cote. Ils étaient de toute façon tous bankable, issus de bonnes familles, banquiers et magnats de la capsule de café ou héritiers dans l'horlogerie de luxe. Les artistes de la galerie Charles-Édouard Baumgartner vivaient de leur art et menaient des vies de dandy entre tous les Art Basel du monde. En Suisse, même les peintres sont riches. Ils ont les moyens d'être artistes maudits avec style. Mais dans cette ruelle mal éclairée, Alma pensa « C'est quoi cette croûte ?» Elle se retint pourtant et dit « Mais non, comment cela se pourrait-il » Après vérification auprès de Charles-Édouard, il s'avéra que Fallon avait effectivement exposé dans une galerie près du port et était quelque peu gêné que trois de ses tableaux soient affichés dans cet obscur restaurant de poissons entre les portes parapluies, les alignements de bouteilles disparates et ses ornements de filets et de coquillages kitsch. Après avoir légèrement flirté avec les serveurs oisifs afin d'obtenir la permission de poser devant les œuvres colorées dans leur robe noire, Alma et Mia allèrent dîner plus loin, dans un restaurant tendance sur TripAdvisor. Les tableaux y étaient ignobles, mais les chaises recouvertes de blanc et de nœuds, les serviettes lourdes, le vin léger. Cette coïncidence les amusait, leur conversation s'anima. « Tu sais, dit Mia, qu'il m'a draguée pendant toute la soirée après le vernissage du Salon des Antiquaires à la fin de l'année dernière. Il s'est confié à moi qu'il avait l'impression de passer à côté de sa vie. On a eu un feeling, Il voulait qu'on finisse la nuit ensemble, mais je me suis éclipsée. Je le connaissais depuis à peine quelques heures. Mais ces hommes, si tu sautes pas sur la première occasion, ils te sautent pas tout court. Ouais, je sais, tu m'as dit. Et il faut que je te raconte aussi un truc. Alma n'avait pas osé lui avouer qu'elle avait passé une soirée avec Thomas Fallon cet été-là. Ils avaient bu des caipirinha jusqu'à minuit et, un peu ivre et momentanément obsédée par la maternité, elle lui avait demandé s'il ne voulait pas jouer au géniteur avec elle. Il avait répondu « Si t'as besoin de moi, t'hésite pas ». Quelques jours plus tard, il lui avait proposé d'aller se baigner au lac. Elle n'y était pas allée non plus. Maintenant, elles étaient échauffées par le récit de leur double flirt avec cet homme aux yeux bleus glaciers, grand et grisonnant, mais toujours bondissant dans ses converses et ses jeans moulants maculés de peinture. L'apparition devant elles de ces tableaux de la série intitulée « Psychotropical » et l'évocation de leur créateur flamboyant éveillaient en elles des désirs de moiteur, de dérèglement de tous les sens, d'éclosions diverses. Il fallait qu'elle le revoie. Mia avait son numéro. Elles l'appelèrent après le repas. Sa voix virile et chaude, à peine surprise, s'amusa de l'anecdote. « Il faut que vous veniez une fois à l'atelier. Je vous en montrerai de bien meilleurs. Vous rentrez quand ?»« Demain, on atterrit à 15h à Genève. Alors venez pour le café et vous me raconterez Majorque. Il y aura de la Sachertorte, ajouta-t-il. Il était viennois. Cet homme devait savoir faire des gâteaux comme des tableaux. Quelle autre douceur leur réservait-il ? Gorgées de soleil, elles longèrent la rade dans un taxi genevois. Alma regarda le jet d'eau dans toute sa dimension phallique. « Quelle hauteur !» pensa-t-elle, puis oublia. L'atelier que Fallon partageait avec d'autres artistes était situé dans une arrière-cour non loin de la rue du Rhône. On y pénétrait par un porche tapissé d'enseignes de médecins et d'avocats. Mais derrière, c'était la cour des miracles. Boutiques, bobos, fleurs, vélos. Fallon y organisait des ateliers de peinture. Peindre à la manière d'eux, très courus par les femmes au foyer et les expats. Il était très doux, bon pédagogue, bienveillant pour l'amateurisme de ses élèves qui se prenaient tout à coup pour Keith Haring ou Gérard Richter. Alma y avait participé une fois et avait été subjuguée par son mentor. Il l'avait rendue créative, l'avait élevée. Elle était rentrée fière de son œuvre, un vrai faux Richter aux couleurs girly. Elle avait aimé la texture, l'odeur des huiles et du bois, était fascinée par les matières. L'épaisseur de la couleur appliquée au bois formait un voile que le passage de son corps dévoilait à nouveau, laissant apparaître des lueurs insoupçonnées. Il les accueillit avec le sourire, ses dents blanches contrastant avec son teint bronzé. Ses yeux pétillaient. « C'est trop cool cette visite spontanée !»« Parfois vaut mieux pas trop réfléchir, » sourit Alma. Il les installa sur des chaises en fer forgé autour d'une petite table ronde. Une petite coupe ? Tu nous gâtes ? Oh, mais je vous ai toujours admirées, toutes les deux. Vous êtes l'une et l'autre très attirantes et j'ai toujours aimé nos rencontres. On t'aime bien aussi, fit Mia avec un sourire ironique. Alma regardait autour d'elle. Thomas Fallon avait été productif. Elle était fascinée par le mot psychotropical, mot valise dont elle goûtait la suavité doucereuse comme une goyave, son univers colorisé pop fluo luminescent, qui semblait chercher à rendre l'effet d'une ville la nuit en plein jour. Elle fut également attirée par sa série Supernatural, des fleurs géantes à la Georgia O'Keeffe, qui évoquaient forcément des vulves, des poils, des clitoris en fusion. Le peintre remarqua la réceptivité progressive de ses invités. Il jouissait de l'admiration que provoquaient ses œuvres. Son talent d'artiste renforçait son prestige d'homme. La lascivité s'empara d'eux, et ils se levèrent en même temps. Il écarta une mèche de cheveux d'Alma, tout en prenant Mia par la taille. Elles se regardèrent. Elles n'avaient jamais eu le même goût pour les hommes. Il n'y avait jamais eu de rivalité. Elles partageaient beaucoup de choses. Pourquoi pas cet homme-là, qui les fascinait et les faisait rire toutes les deux, par lequel elles se trouveraient encore plus unies, avec un sujet de conversation ou de silence pour toujours. Elles s'embrassèrent par-dessus sa chemise blanche, laissant leur langue errer sur leur rouge à lèvres. Lui les regardait, charmé, Ses désirs épars étaient réunis sous son visage. Leurs quatre mains commencèrent à déboutonner sa chemise immaculée qui contrastait avec son jean d'artiste, son look habituel. Il sentait la pulpe de leurs doigts le pianoter en alternance et tout à coup, des bouches de femmes sur ses deux tétons en même temps. Il sentit le tissu rugueux de son pantalon déjà tendu par la peinture craquelée sous la pression de son érection. Elles ne tardèrent pas à libérer son sexe de sa cage colorée et sans hésiter le parcoururent de leur langue qui, d'abord territorialement à gauche et à droite, se trouvait parfois au contour de sa bite large ou par-dessus son gland, comme par inadvertance. Lui, toujours debout, plongeait ses mains dans les décolletés et les espaces qui se présentaient sous lui. Il leur ôta leur top fluide en même temps et elles se défirent de leur slim en se tordant. À la vision des deux femmes en string et soutien-gorge pigeonnant, il trempa ses doigts de la main droite dans un pot de peinture fuchsia, dans de la turquoise de la gauche, et leur en aspergea le ventre. « Non, pas mon obade !» s'écria Mia. Elle retira ses dentelles et broderies, pendant qu'Alma faisait de même avec son passionnata confortable et rejoignait son amie sur l'espace de travail solidement arrimé. Elles s'y allongèrent nues. « Peins-nous, nous sommes tes surfaces vierges !» Enhardi, il saisit un gros pinceau à poils souples, prit du bleu électrique, envoya la couleur d'un geste expert sur leurs seins qui se dressèrent sous le jet de peinture. Il devenait Jackson Pollock, les recouvrait en dripant sur elles. Encore du bleu. Bleu nuit, bleu lapis, bleu clin, du vert sapin, du vert pomme, du jaune citron, du jaune vraiment jaune, un peu de rouge. Son excitation, mêlée à sa création, prenait possession de lui. La seule partie de leur corps qui ne prenait pas l'invasion était leur fente humide, encore rose, chair propre, repère secret à l'abri de la cuirasse de couleur que devenait leur peau. Les jambes au bord de la table, il les pénétra tour à tour, jusqu'à ce qu'elles se tournent l'une vers l'autre, se ventousent par le ventre, mélangeant les couleurs autour de leurs seins. Alma se glissa entre la table et le peintre. Elle frotta ses fesses contre son sexe de plus en plus impatient. Elle se pencha au-dessus de la vulve de son ami, pétale de rose couleur abricot, au milieu de traînées bleu pétrole. Elle écarta les grandes lèvres et goûta cette papaye évidée, en aspira les aspérités de chair sucrée et ne savait plus si tout ce liquide était sa salive ou les sucs de celle qu'elle suçait. Excité par son œuvre en mouvement, Thomas avisa à la croupe rebondie devant lui et la pénétra d'un coup rude en contemplant le contraste des fesses encore blanches avec le dos et les jambes customisés par son dripping, comme il le faisait d'habitude avec des meubles de récup Louis XV. Il baisait son œuvre, il devenait part de son œuvre. Les jambes fines de Mia s'allongèrent, elle gémit, commença à se tordre. Sous les coups de boutoir dans la chatte, sous les coups de pinceau qui tantôt caressaient, tantôt fouettaient ses rondeurs, Alma tanga et happa le clitoris décaloté. Mia gémit encore et hurla sous sa langue quand des mains viriles lui pincèrent les seins colorés par-dessus les épaules d'Alma. À trois, ils formaient une chaîne vivante, les maillons d'un collier humain dont les liaisons et les formes variaient. Alma se détacha, monta sur la table, se plaça à genoux à la tête de Mia pour l'embrasser, pendant que Fallon saisissait ses hanches étroites et lui enfonçait le manche du pinceau avec lequel il la fouilla. Elle criait. Le contact du bois dur contre ses parois élastiques l'extasiait. Très vite, le pinceau fut remplacé par son bois bandé perso, qui vint finir le travail. Les femmes étaient des filles, des chiennes en chaleur que la peinture rendait folle. Elles se relevèrent et se couchèrent en offrant leurs fesses pour qu'il les pilonne à tour de rôle, en giclant la mesure avec une nouvelle série de pinceaux de toutes les tailles et de toutes les formes. Elles furent maculées, aspergées, tachées encore et encore. À même le sol, elles trouvèrent une toile et s'y roulèrent avec lui. Des motifs apparurent sous leur danse, ici une main, là l'empreinte d'une fesse. Alma avait des éclairs de lucidité. Elle revit la scène du corps en or dans Goldfinger. Pensa qu'elle pourrait crever sous sa couche de peinture. Mais ses interstices de peau respiraient, jouissaient de la contrainte. Les deux femmes décidèrent d'entreprendre leur homme comme une glace qu'on se partage. Alma songea aussi qu'un homme pour deux femmes la ramenait toujours à un traumatisme d'enfance, à un conte de la crypte, dans lequel deux jumelles psychopathes coupent Danny DeVito en deux, à la tronçonneuse pour enfin avoir chacune leur part égale du gâteau de muscles et de membres masculins. Mais leur seule ambition était de dédoubler son plaisir et leur sens du partage. Pendant que l'une le branlait, l'autre lui présenta sa chatte au-dessus de la bouche. Sentant la décharge approcher, elle s'étendit à nouveau. Il l'éjacula sur elle comme un tir de Kalachnikov, mêlant sa semence blanche aux couleurs éclatantes dans un délire de maître de la création. Encore haletant, il les observa, alanguis, colorés. Seul leur moule palpitait encore. Bouche du fond des mers émergeant de la vase, rose et nacrée. Contemplant son œuvre, il alla chercher son appareil photo. Il savait ce qu'il allait faire. Pour sa prochaine exposition, une série d'impressions argentiques sous le nom de Psychotropical Dripping. Elles seraient ses pièces maîtresses. La douche fut laborieuse et hilare sous le jet d'eau du raccordement des pompiers de la cour. Au Montreux Palace, la bonne bourgeoisie s'étonna brièvement du réalisme de ces nouvelles fleurs. Seuls les connaisseurs purent distinguer la précision du sexe féminin, magnifié de magnolia et de rose sauvage. Cette origine du monde, aux couleurs flashy, cachée dans un paysage tropical futuriste. Tous trois avaient été excités par l'expérience transgressive, par la création et par l'exhibitionnisme de leur impudeur, à la fois cachée, point de fuite mystérieux de l'œuvre, et exposée au regard des visiteurs, qui restaient en surface et la pénétraient peu. Alma et Mia échangeaient des sourires, tenaient le bras de Fallon pour les photos. Seul Charles-Édouard, à qui rien n'échappait, connaissait le fin mot de l'histoire et, en bon historien de l'art, devait en faire une analyse circonstanciée. Il présenta Psychotropical Dripping en ces termes. « Mesdames et messieurs, chers amis, je suis honoré de vous présenter la toute dernière création de mon artiste et ami Thomas Fallon. Dans cette œuvre, il a voulu faire fusionner l'éternel féminin et sa nature sauvage. La femme est liée à la nature. La nature s'exprime par éclosion féminine, fertilité renouvelée, vie créée et annihilée. Thomas Fallon nous avait habitués à un traitement esthétique, voire purement décoratif, du thème de la fleur. Cette fois, il a voulu exprimer son côté poilu, moussu. Ces plantes sont charnelles comme des plantes carnivores préhistoriques, comme des hydres aux têtes toujours ressuscitées. Je vous invite à regarder de plus près ce tableau qui vous transportera entre le jardin des délices et l'enfer de Dante. » On distinguait effectivement des sortes de lianes, l'association de leurs huit bras et jambes et des quatre bouches en fleurs, de leurs lèvres maquillées et de leurs vagins ouverts semblait l'incarnation de quelque divinité. La représentation précieuse et oubliée d'une Shiva surpuissante. Très habillée, en tailleur fluide talon aiguille et robe stricte ballerine pointue, Alma et Mia jouissaient de leur jardin intérieur. Fallon n'était pas du genre à se lier, et elles avaient d'autres affections en cours, mais elles n'oublieraient pas leur immixtion, leur immergence physique dans le monde pulsionnel de l'art.